Bijoux par Pierre Baldagne. Lorsque Paulette Mutin entra chez son amie Geneviève Margillière, elle la trouva assise, en train de contempler un écrin où brillaient deux pendants d'oreilles en diamant. « À toi, ces petites merveilles ?» demanda Paulette. « À moi. Je viens de la recevoir. C'est un cadeau de mon mari. » Madame Mutin se recula un peu et examina son amie, puis elle dit « Ma chérie, tu ne me sembles pas apprécier ton bonheur. Te voilà grave et sérieuse, et tu devrais pousser des cris de joie. Tu es mariée depuis 5 ans, et ton mari te fait encore des cadeaux pareils. C'est preuve qu'il t'adore. Que de femmes, à ta place, se mettraient à danser. Je ne puis pourtant ni danser, ni pousser des cris de joie, répondit Geneviève. Je vais te surprendre, ma petite Paulette. C'est assez souvent que mon mari m'offre des bijoux. Chaque fois, je me mets à pleurer. Quand il ne m'en donnera plus, je me considérerai comme bien plus heureuse. Petit sphinx, explique l'énigme, car jamais je ne la comprendrai. C'est bien simple. Adrien est entre les mains de Mademoiselle Diane de Samora. Qu'est-ce que tu me dis là? La vérité. Diane de Samora, la chanteuse, elle-même. Elle est extrêmement belle, je l'avoue. Mon mari est fou d'elle. Il la couvre de bijoux. Il lui assure un train princier. Voyons, Geneviève, je ne comprends plus. Ton mari t'aimait pourtant. Je crois qu'il m'aime encore, tout au fond. Mais il est pour l'instant complètement emballé par cette Samora. Cependant, il est certain qu'Adrien a des remords. Je dis que c'est certain parce que chaque fois qu'il achète un bijou pour la chanteuse, il en choisit un pour moi. « Mon Dieu !» s'écria Paulette. « Mais comment as-tu pu savoir ?»« Ça n'a pas été difficile. Chaque fois que nous allons au théâtre, Adrien et moi, et nous y allons assez souvent, je vois dans une loge la belle Samora, étincelante. J'ai fini par connaître tous ses bijoux, toutes ses parures. Et j'ai dû constater que chaque fois qu'elle exhibait un bijou nouveau, un collier sensationnel, un bracelet ou un diadème, mon mari la veille m'avait apporté ma part, une part plus modeste, mais cependant d'importance. Et Geneviève ajouta, « Adrien est un être tendre, il est très faible, il est entraîné, il n'a pas un mauvais cœur. Mais si cette liaison dure, il est perdu. La Samora le ruine. » Et, demanda Madame Mutin, « Tu n'as jamais eu une explication avec ton mari ?»« Jamais. Pourquoi faire ?» Tu n'as jamais refusé ces bijoux-là? Non. Je me contente de ne pas les porter parce qu'ils me semblent odieux. Et ça ne l'empêche pas, lui, de continuer. Geneviève se leva et prenant la main de son amie. Tiens, je vais te montrer ma cachette. Tu verras que j'ai là une petite fortune. Lorsqu'elle quitta Geneviève, Paulette était bouleversée. Elle aimait cette pauvre Madame Margillière de tout son cœur. Elle admirait son stoïcisme. Elle était révoltée du cynisme de son mari. Bientôt, tout ce que lui avait dit son ami lui fut confirmé par les potins des salons. Les hommes eux-mêmes haussaient les épaules. Adrien Margillière était fou. Il compromettait pour une fille qui se moquait de lui une situation admirable. On parlait de dettes importantes. Margillière pouvait sauter d'un jour à l'autre. C'est alors qu'on le vit à la bourse, promenant sous la colonnade un visage anxieux. Puis il disparut, et on apprit en même temps que Diane de Samora l'avait froidement remplacé par un autre protecteur à la fortune intacte. Devant Geneviève, Adrien Margillière comparaît, semblable à un gamin coupable. Il tremble, il balbutie. Ce qui l'étonne, ce qu'il ne comprend pas, c'est la joie intérieure qui fleurit le regard de sa femme. Alors il lui explique encore, car elle ne doit pas se rendre compte de la gravité de la catastrophe qui les atteint. Je dois 127 000 francs. Je n'ai plus un sou. Je suis perdu si je ne paye pas dans les 8 jours. Qu'allons-nous devenir? Mais Geneviève sourit toujours. Même il y a bien longtemps que son joli visage n'a paru aussi insouciant. Qu'allons-nous devenir? Dit-elle. Peut-être des gens heureux, simplement. Réponds-moi d'abord. Réponds-moi en me regardant tout au fond des yeux. Cette femme, cette Samora, l'aimes-tu encore? Il protesta dans un cri. Je la hais! Après m'avoir ruiné, elle m'a rejeté comme un fruit pressé, inutile. L'ai-je même aimé jamais? J'étais fou, aveugle et sourd. Et si malheureux, Geneviève, à la pensée que toi, que j'aimais, que je n'ai peut-être jamais cessé d'aimer, malgré les apparences, je te rendais malheureuse. Je l'ai été. Je ne le suis plus. Et regarde, j'envisage l'avenir, moi, avec tranquillité. Margilière eut un mouvement de rage et d'impuissance. « Je suis pourtant un homme perdu, si je ne paye pas la somme que je dois. Comme c'est une dette d'honneur, je suis déshonoré. Tu la payeras. Avec quoi ? Viens voir. » Geneviève avait ouvert un tiroir, et en sortait un à un, tous les écrins maudits. « Les bijoux que je t'ai donnés ? Tu sais pourquoi tu me les donnais, Adrien. C'était pour apaiser ta conscience. » Tu avais deviné. Je te connaissais mieux que tu ne te connaissais toi-même, et jamais je ne t'ai haï. Alors si tu veux, nous allons compter. Ah, tu me gâtais. Regarde, il y a bien pour 150 000 francs de pierres et de perles dans tout ça. Et avec quelle joie nous allons les vendre. Quel soulagement de ne plus les avoir ici, Margilière dit sourdement. L'autre les gardera, ces bijoux. Mais Geneviève eut un sourire de pitié. L'autre, c'est l'autre, et moi, c'est nous. Adrien, les larmes aux yeux, dit encore « Mais après, ce qui t'attend, c'est la gêne, la pauvreté. Allons donc, tu refais vite ta vie, tu es redevenu un homme tout neuf. Nous allons commencer autre chose. Sommes-nous donc si vieux ?» Et d'une main différente, elle poussait au fond du tiroir, sans plus les regarder, les gemmes étincelantes grâce auxquelles elle allait sauver son amour. C'était « Bijoux » par Pierre Baldagne.